بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور علي الحدادي في هذه الليلة المباركة إن شاء الله في كلمة توجيهية له بعنوان أهمية العلم وتأثير ذلك في تربية الأبناء على منهج السلف الصالح، سائلين الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والآن فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا، جزاكم الله خيرا يا شيخنا. الله يسلمك. احنا معنا شيخنا الأخ الشيخ عبد الصمد، أخ فرنسي ويتكلم اللغة العربية بتلقي، يترجم لكم إن شاء الله شيخ فوري بإذن الله. يعني يبغاني كلمتين ثلاث واقف ولا كيف؟ نعم، يعني فقرة فقرة ويترجم لكم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. الله يجزاكم كل خير. طيب، شكر الله لكم شكرا. تفضل، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتوقع هذه ما تحتاج ترجمة. لا شكرا. طيب. لا شكرا، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، ما بعد. في البداية أشكر أخي الشيخ أشرف جزاه الله خير على حرصه على تنسيق هذه الكلمة وسعيه الجاد في إقامتها، حرصا منه على نفع إخوانه، فكتب الله أجره وجزاه الله خير الجزاء. أولا سيترجم الشيخ. نعم شيخ، تفضل شيخ. تمام. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فبادئ بدء نشكر فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي على ما يتفضل به علينا، جزاه الله خيرا، كما نشكر أخانا أشرف بيومي على إقامة هذه المحاضرات. وثانيا نبدأ في الترجمة حفظكم الله. دونك notre cheikh Ali ben Yahya al-Haddadi hafidhahu Allah ta'ala nous dit, après avoir loué Allah tabaraka wa ta'ala et prié sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il remercie notre frère Ashraf Bayoumi d'avoir mis en place ces cours qui sont profitables pour nous. Toi d'Allah, cheikh. كما سمعنا ان عنوان هذه الكلمه اهميه العلم الشرعي والاهتمام بتربيه الابناء وتنشئتهم على عقيدة السلف الصالح، ولا شك أن هذا الموضوع موضوع قيم ومفيد ونافع وكلنا بحاجة له. نعم. Comme nous avons entendu, donc le titre du cours d'aujourd'hui est l'importance de la science et son impact sur l'éducation des enfants sur la voie des pieux prédécesseurs. Il n'y a pas de doute que ceci est un sujet très important. الفقرة الأولى وهي أهمية العلم. العلم واجب شرعي، قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. La première partie du cours d'aujourd'hui concerne l'importance de la science. Il n'y a pas de doute que la science est une obligation religieuse. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Demander la science ou rechercher la science est une obligation pour chaque musulman. » Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de ses paroles « Et sache qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. » Fadda l'Echir. « Fallahu azza wa jal khalaqana li'ibadatihi faman abad Allah كما شرع الله دخل الجنة، ومن لم يعبد الله كما شرع الله دخل النار. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. Et Allah عز وجل nous a créé pour son adoration. Et celui qui aura adoré Allah selon ce qu'il aura légiféré, celui-ci rentrera au paradis. Et celui qui ne l'adorera pas selon ce qu'il a légiféré, celui-ci n'y rentrera pas. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le sens de ses paroles, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وهذه العبادة الواجبة التي خلقنا الله لها لا يمكن أن نعرفها إلا بالتعلم، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم من العلوم الشرعية ما أوجبه الله عليه. نعم. Et cette adoration pour laquelle, et cette adoration obligatoire pour laquelle Allah nous a créés, nous ne pouvons la connaître et donc la pratiquer correctement que en l'apprenant, que en l'apprenant. وهذه الصلاة المفروضة لها أحكام كثيرة واجبة لا بد منها، مثل الطهارة، استقبال القبلة، مثل تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، إلى آخر أعمال الصلاة مما أوجبه الله. فالذي لا يتعلم هذه الأحكام كيف يمكن أن يصلي كما أمره الله وكما أمره رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا وكما رأيتموني أصلي. نعم. Et je donne en exemple la prière ou les prières, les cinq prières obligatoires qui sont donc une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Ces prières ont des règles religieuses qui leur sont propres. Parmi ces règles, at-tahara, donc la purification, de même que le fait de s'orienter en direction de la Qibla, la lecture de l'Fatiha et autres que cela. Et celui qui n'apprend pas ces règles-là, comment peut-il prier comme Allah Azza wa Jal lui a ordonné et comme son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné, comme dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens prier comme vous m'avez vu prier. أنصح نفسي وأنصحكم بالجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي، والسعي في الازدياد منه، وذلك أننا نرى الآن نحن نسكن في الرياض، والرياض مليئة بحمد الله بالعلماء طلبة العلم، وعموم الناس هنا يتعلمون أحكام الدين في المدارس من المرحلة الابتدائية المتوسطة والثانوية والجامعية، ومع ذلك نرى جهلا كثيرا في الصلاة وغير الصلاة. فإذا كان هذا حال كثير من المسلمين في البلد الذي يكثر فيه العلم والعلماء، فما الظن بمن يعيش في بلاد الغرب؟ فحاجتهم إلى التعلم في نظري حاجة قوية جدا. نعم. Je vous conseille ainsi qu'à moi-même donc d'être assidu dans la recherche de la science et de rechercher à s'approvisionner plus encore de la science religieuse. Nous voyons par exemple, le Cheikh nous dit que lui habite à Riyad, dans la ville de Riyad. Et c'est une ville qui est remplie de savants et d'étudiants en sciences. Walillah alhamd. Et les gens ont l'habitude d'apprendre donc la science religieuse, entre autres dans les écoles, que ce soit en primaire, au collège, au lycée et à l'université. Mais malgré cela, nous voyons beaucoup d'ignorance, que ce soit concernant les règles de la prière ou autre que cela. Et qu'en est-il lorsque ceci est dans une ville et dans un pays qui est rempli de savants? Qu'en est-il alors pour ceux qui vivent dans les pays d'Occident? Cela, comme nous le dit notre cheikh, Hafidahullah, d'après lui, ces derniers ont encore plus besoin de rechercher la science et d'être assidus dans sa recherche. وأعظم مراتب العلم علم العقيدة، علم التوحيد الذي يعرف العبد بربوبية الله جل وعلا وألوهية الله وأسمائه وصفاته، فهذا العلم هو الأساس، علم التوحيد الذي يعرفك أن تعبد الله عز وجل وحده ولا تشرك معه في العبادة أحدا سواه. نعم. Et la science a différents degrés, différents niveaux. Et son niveau le plus haut, ou son degré le plus haut, est la science de la croyance, de l'aqidah et de tawhid, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Cette science qui te fait connaître, qui fait connaître ou qui apprend au serviteur, qui fait connaître son Seigneur au serviteur dans sa rububiyya, donc dans sa seigneurie, dans ce qu'il doit comme droit à Allah, tabaraka wa ta'ala, dans son adoration, de même que ce qui concerne ses noms et attributs Azza wa Jal. Et cette science, la science du tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, est la base, cette base qui fait connaître au serviteur comment l'adorer et ne pas lui associer ou ne rien lui associer dans son adoration. Par exemple, si tu ne sais pas le tawhid de l'uluhiyya, si tu ne sais pas le معنى tawhid de l'uluhiyya, le معنى la ilaha illallah, ولم تعرف أن الله وحده هو المستحق للعبادة، تدري ماذا سيحصل لك؟ الذي سيحصل أنك ستقول لا إله إلا الله وستصلي وتصوم وتزكي، ولكن قد تعبد غير الله سبحانه وتعالى، وقد تفعل مثل ما كان يفعل كفار قريش، وذلك بأن تجد نفسك عصمن الله وإياك وأنت تدعو وتعبد صاحب قبر، صاحب ضريح، تدعوه، تستغيث به، تطلب منه الولد، تطلب منه الشفاء من المرض، تنذر له النذور، تذبح له الذبائح، وأنت تظن نفسك أنك على التوحيد وأنك من أهل لا إله إلا الله. هذا ما سببه؟ سببه الجهل بتوحيد الألوهية الذي معناه أن تعبد الله وحده وتتبرأ من عبادة ما سواه. نعم. نعم. Par exemple, lorsque tu ne connais pas le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration, lorsque tu ne connais pas le sens véritable de la ilaha illallah, eh bien, le fait que Allah Azza wa Jal est le seul à mériter l'adoration, que va-t-il se passer alors, lorsque tu ne connais pas cela? Que va-t-il se passer alors? Eh bien, tu vas prononcer cette parole, la ilaha illallah, tu vas prier, tu vas donner az-zaka et autre que cela, parmi les actes d'adoration, mais en même temps que cela, tu adoreras autre qu'Allah, qu'Allah nous en préserve tous, tu adoreras autre qu'Allah, tu te trouveras parmi ceux qui invoquent autre qu'Allah, parmi les gens qui se trouvent dans les mausolées, dans les tombeaux et autres, tu immoleras pour eux, tu feras des vœux pieux pour eux, tu les invoqueras en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et tu penseras faire partie des gens de tawhid, de l'unicité. Quelle est la cause de cela? Shir nous dit, Havid Allah, quelle est la cause de cela? La cause de cela est l'ignorance de tawhid al-uluhiyya, de le tawhid, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans l'adoration. وهكذا إذا لم تتعلم توحيد الأسماء والصفات فإنك والعياذ بالله سترد ما وصف الله عز وجل به نفسه وأثنى به على نفسه ومدح به نفسه جل وعلا وتصف الله بما ليس فيه فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات عظيمة جليلة فمثلا وصف الله عز وجل نفسه بأنه العلي الأعلى فقال تعالى عن نفسه وهو العلي العظيم العلي ووصف نفسه بالأعلى فقال سبح اسم ربك الأعلى ووصف نفسه بأنه على العرش استوى. هكذا وصف الله عز وجل نفسه بأنه العلي الأعلى ليس فوقه شيء، وأنه فوق خلقه، فوق خلقه. ثم يأتي من لم يفقه ويعلم توحيد الأسماء والصفات كما هو في الكتاب والسنة، فيرد ما مدح الله به نفسه بصفة العلو ويقول لا، الله عز وجل ليس فوق خلقه، وإنما الله عز وجل معهم، معهم بذاته في كل مكان، معهم في بذاته في بيوتهم، في أسواقهم، في وقت قضاء حاجتهم، نسأل الله العافية والسلامة، وهكذا. فمثلا مثال آخر أيضا، الله عز وجل وصف نفسه بأنه يتكلم متى يشاء، متى شاء، بما شاء، كما قال سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه ووصف نفسه بأنه يتكلم. فجاء من جهل هذه العقيدة الصحيحة وقال: لا، الله عز وجل ما يتكلم، الله عز وجل منزه عن الكلام. فانظر كيف يرد ما وصف الله به نفسه ويطلق هو صفات من عنده على الله جهلا وظلما وعدوانا. طيب ترجم هذا ثم نواصل إن شاء الله. ترجم. نعم. Et comme cela, lorsque tu ne connais pas, lorsque tu n'as pas appris la croyance concernant les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, à ce moment-là, tu seras amené, lorsque tu n'auras pas appris la croyance sur les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu seras amené à rejeter ces noms et attributs par lesquels Allah azza wa jal s'est décrit lui-même, et ces noms et ces attributs par lesquels il s'est fait l'éloge à lui-même. Et à ce moment-là, tu le décriras par une chose par laquelle il ne s'est pas décrit, une chose qui ne le décrit pas, wal'iyadu billah. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala s'est décrit par des attributs grandioses. Il a décrit sa propre personne comme étant al-ali, al-a'la, comme étant le très haut, le très élevé. Comme il le dit dans son livre, dans le sens de ses paroles, et glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. De même, il s'est décrit comme étant au-dessus du trône, Tabaraka wa Ta'ala. C'est-à-dire qu'il s'est décrit comme étant le plus haut, et qu'il n'y a rien au-dessus de lui, Azza wa Jal. Puis, il vient des gens qui ne connaissent pas la croyance sur les noms et attributs d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, selon ce qu'il y a dans le livre et dans la sunna. Et il rejette ce par quoi Allah Azza wa Jal s'est décrit dans le livre et dans la sunna. Et ils disent par exemple: non, plutôt, Allah Azza wa Jal n'est pas dans les cieux, mais plutôt il est partout. Il est dans tous les endroits, wal'iyadhu billah, il est dans les maisons avec nous, il est dans les marchés avec nous, et autre que cela. Un autre exemple que Shir donna, hafidahullah, le fait qu'Allah Azza wa Jal s'est décrit comme étant, parlant. Donc, il s'est décrit comme ayant l'attribut de la parole, comme il dit dans le sens de ses paroles, et Allah parla à Moussa, alayhi salam. Et il dit aussi dans un autre verset dans le sens: et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui tut parler. Donc Allah azza wa jal se décrit comme ayant l'attribut de la parole. Puis une personne vient, une personne qui ne connaît pas cette croyance, qui ne connaît pas la croyance exact et correct dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, et dit: non, Allah ne parle pas. Regardez comment cette personne donne des paroles sur Allah Azza wa Jal par ignorance et le décrit par ce par quoi il ne s'est pas décrit, tabaraka wa ta'ala. والقاعدة في هذا الباب أيها الأخوة هو أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وأن نصف الله عز وجل بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون تمثيل دون تشبيه لله عز وجل بشيء من خلقه كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله سميع يسمع الأصوات والله بصير يرى الأجسام ولكن سمعه ليس كسمع الخلق وبصره ليس كبصر الخلق وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة في كل الأسماء والصفات والحمد لله نعم. Et la règle dans cela, mes frères, la règle dans cela est que nous décrivons Allah par ce par quoi il s'est décrit lui-même. De même que ce par quoi l'a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam sans lui donner une ressemblance, sans lui donner une ressemblance à la créature. Comme il dit tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles, et rien ne lui ressemble et il est l'audient, l'omniscient. Allah azza wa jalla est audient, mais son audience n'est pas comme celle de ses serviteurs. Il est voyant, mais ceci ne ressemble en rien aux attributs de ses serviteurs. يكفي هذا القدر إن شاء الله فيما يتعلق بالفقرة الأولى من فقرات المحاضرة وهو أهمية العلم الشرعي ننتقل بعد ذلك إلى أثر العلم في تربية الأولاد وتنشئتهم على العقيدة الصحيحة وعلى الأخلاق والآداب الإسلامية فالعلم الشرعي يعلمك أيها المسلم وأيتها المسلمة على أن يكون الهدف أو القصد من الذرية أن ترزق ذرية أن يكون القصد من هذه الذرية تكون ذرية طيبة ذرية صالحة ذرية تعبد الله جل وعلا ذرية تطيع الله سبحانه وتعالى ذرية تعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هكذا يربي العلم المسلم والمسلمة أن تكون نظرتهم وهدفهم وغايتهم أمنيتهم من الذرية أن يكونوا ذرية صالحة تعبد الله وحده نعم. Cheikh nous dit, Hafidahullah, qu'il se contente de ceci pour la première partie, donc de ce qui a été évoqué précédemment pour la première partie du cours d'aujourd'hui concernant l'importance de la science. Et maintenant, il commence la deuxième partie du cours concernant l'impact de cette science sur l'éducation des enfants, sur la voie des pieux prédécesseurs. Et il nous dit, Hafidahullah, que la science t'apprend que ce que tu dois espérer dans l'éducation que tu donnes à tes enfants, c'est que tes enfants soient des enfants pieux, des enfants adorateurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, des enfants élevés sur la voie, sur la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est ce que la science que tu étudies, que tu apprends, t'apprend. C'est-à-dire que dans ton éducation de tes enfants, tu dois mettre ceci devant toi, le fait que tu les éduques afin qu'ils soient des adorateurs d'Allah, pieux et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومما يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل وهو يبحث عن المرأة التي يتزوجها وتكون غدا رب أم أولاده قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين فاظفر بذات الدين لماذا النبي عليه الصلاة والسلام حث الرجل أن يختار المرأة الصالحة لحكم كثيرة لكن من أهمها أنها إذا كانت الأم صالحة الزوجة صالحة ورزقت بذرية ستنشئهم إن شاء الله وتكون عونا لزوجها على تنشئة هذه الذرية نشأة صالحة على طاعة الله جل وعلا نعم. Parmi ce qui nous montre ceci, ce que Cheikh a évoqué précédemment, Habibullah, ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam orienta celui qui cherche une femme à se marier, cette femme qui sera plus tard la mère de ses enfants, le fait qu'il l'orienta sallallahu alayhi wa sallam, vers le fait de choisir celle qui a une bonne religion, de choisir celle qui a la religion. Pourquoi ? Pour plusieurs sagesses, comme nous le dit notre cheikh, hafidahullah, mais parmi ces sagesses, le fait que lorsqu'il choisira celle qui aura une bonne religion, cette dernière sera une aide pour lui dans l'éducation future de ses enfants, afin que ce soit des enfants adorateurs d'Allah et suiveurs de la sunna. كذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في صفة عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ومعنى قوله هنا قرة أعين يعني زوجة وذرية طيبة زوجة وذرية طيبة تسعد النفس وتشرح الصدر والمؤمن ما الذي يسعده ويشرح صدره في زوجه وذريته أن يكونوا أتقياء مطيعين لله عز وجل صالحين فهذا أيضا في تعليم على الاهتمام بالذرية والأبناء أن يكونوا من أهل الخير ومن أهل الصلاح نعم Parmi les preuves de cela aussi, nous trouvons la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il parle de Ibad al-Rahman, donc les adorateurs du Tout Miséricordieux, où il dit dans le sens de ces paroles, et qui disent, Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux. La joie des yeux. Et Cheikh nous explique ici, Qurrata a'yun, donc la joie des yeux, ce qui pourrait être traduit comme ceci. Que veut dire cela ? C'est-à-dire une femme et une descendance bonne. Et qu'est-ce qui est bonne et qui fait plaisir à l'époux et au père. Et qu'est-ce qui fait plus plaisir à la personne que des enfants et une femme qui sont pieux et qui sont adorateurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans ceci, il y a une preuve de l'importance de l'importance à donner à l'éducation des enfants. كذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر من هذه الثلاث ولد صالح يدعو له لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولد صالح ما قال ولد يدعو له ولد صالح لأن الصالح إن شاء الله إجابة دعاؤه أقرب للإجابة من غير الصالح فالفسق والفجور قد يرد بسببه الدعاء وإذا عرف الأب أن دعاء ولده الصالح ينفعه بعد موته إذا انقطع عمله فإن هذا يدعو الأب إلى بذل جهده في إصلاح ولده وذلك بتربيته بتربية سليمة وبتعليمه من العلم الشرعي ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة نعم Non, il y a une partie qui s'est coupée chez moi, donc je traduirai ce que j'ai entendu. Donc, Cheikh nous dit, comme cela dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, lorsque la personne meurt, ses œuvres s'arrêtent, sauf trois œuvres. Et parmi ces trois œuvres, il cita un enfant pieux qui invoque pour lui. Pourquoi a-t-il dit, sallallahu alayhi wa sallam, un enfant pieux et n'a pas dit simplement un enfant qui invoque pour lui ? Car celui qui est pieux, celui-ci est plus à même de voir ses invocations exaucées. A l'inverse, sans aucun doute, la perversion est une cause de voir ses invocations refusées. Et lorsque une personne sait cela, il œuvrera afin de faire de son enfant un enfant pieux, ceci par son éducation, une bonne éducation et un bon apprentissage. وإذا نظرنا في القرآن الكريم وجدنا عناية الأنبياء بأبنائهم عنايتهم بالأبناء لا سيما يعني فيما يتعلق بأمر الدين ولا سيما بأمر العقيدة والتوحيد من الأمثلة على ذلك قول إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن وذريته أو أبناؤه إسماعيل وإسحاق وكلهم نبي كلهم أنبياء ومع ذلك نجد إبراهيم ماذا يقول في دعائه؟ يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فدعا الله عز وجل لنفسه ودعا لأولاده أن يجنبهم الله عبادة الأصنام. فانظر إلى هذا الحرص العظيم على سلامة العقيدة للنفس وسلامتها في الأبناء والذرية. نعم. Et lorsque nous lisons le Coran, nous regardons dans le Coran, nous voyons l'intérêt que portent les prophètes à l'éducation de leurs enfants, et en particulier en ce qui concerne leur apprentissage de la croyance, la bonne croyance et des œuvres pieuses. Parmi cela, nous voyons Ibrahim, alayhi salam, l'ami intime d'Allah, tabaraka wa ta'ala, al-Khalil, et ses enfants, qui sont-ils ? Ismaïl et Ishaq, des prophètes eux aussi. Malgré cela, il dit, dans le sens de ses paroles, dans son invocation, il dit, « Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » Regardez comment il invoqua pour sa propre personne, de même que pour ses enfants, d'être préservé du polythéisme, de l'adoration des idoles. Regardez cet engouement ou cette recherche ardente d'être préservé pour lui, de même que sa descendance, de tomber dans l'association. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إلى آخر الآية. فهنا يعقوب عليه السلام حين أدركه الموت حضره الأجل حريص على أن يستمر أبناؤه من بعده على عبادة الله وحده، وأبناؤه في ذلك الوقت كبار، ومنهم نبي الله عز وجل يوسف عليه السلام، ومع ذلك لم يعتمد على ما عند بنيه وذريته من العلم، وأنهم أبناء نبي وإخوة نبي وأحفاد خليل الرحمن، لم يعتمد على ذلك كله فقط، لم يعتمد على ذلك، بل وصاهم وذكرهم وحثهم على إفراد الله بالعبادة وأن يستمروا على التوحيد حتى يموتوا. نعم. Parmi les exemples aussi, nous voyons l'exemple de Ya'qub alayhi salam. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre, étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Ya'qub et qu'il dit à ses fils, qu'adorez-vous après moi ? Ils répondirent, nous adorerons ta divinité, la divinité de tes pères. Jusqu'à la fin du verset. Cheikh Hafidhahullah nous fait remarquer que celui-ci, Ya'qub, qui est un prophète, alayhi salam, au moment de sa mort, avait ce désir ardent que ses enfants, après lui, continuent à adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, seul et sans associé. Et ses enfants, à ce moment-là, au moment où Ya'qub arriva au terme de sa vie, étaient grands. Et parmi ses enfants, il y avait des prophètes, il y avait Youssouf alayhi salam qui était un prophète, fils de prophète et petit-fils de prophète. Mais malgré cela, il avait ce désir ardent que ces derniers continuent à adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé après sa mort. Et donc il leur rappela et les enjoigna à at-tawhid, à l'unité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci toute sa vie jusqu'à son terme, jusqu'à ses derniers instants, jusqu'à sa mort. وقصد من هذه الأمثلة الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في العناية بتربية الأبناء على العقيدة والاهتمام بهذا الجانب. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر إبراهيم وذكر إسماعيل وذكر يعقوب وذكر غيره، ذكر 18 نبيا. قال بعد ذلك أولئك الذين هدى الله فلهداهم يقترب. فنحن مأمرون بالاقتداء بهؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. نعم. معذرة عندي ضعف الشبكة عندي. نعم. لا لا عندي شيء من يعني ضعف الشبكة عندي، لكن لا بأس إن شاء الله، الله يحفظكم. لكن سمعت كلمتي أو لم تسمع؟ لا سمعتها يا شيخ، الله يحفظكم سمعتها، الله يبارك فيكم. الشيخ نودي حفظه الله، الشيخ نودي جاي. نعم. الشيخ حفظه الله نودي que ce qui est voulu dans ces exemples est que nous prenions exemple sur les prophètes dans l'importance qu'ils donnaient à l'éducation de leurs enfants, les éduquer sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala évoqua nombre de ses prophètes alayhim salat wa salam, il évoqua 18 parmi ses prophètes, il dit à la fin de ces versets, il dit dans le sens de ses paroles, voilà ce qu'Allah a guidé, suis donc leur direction. Voilà ce qu'Allah a guidé, suis donc leur direction. Tafaddal ya cheikh. Thumma idha nadarna ila as-sunnah an-nabawiyyah hayat nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam najid annahu kana mu'taniyan bi ta'lim al-awlad wan-nashi'ah ma yanfa'uhum min amri dinihim sawa'an fi al-'aqidah aw fi al-'ibadah aw fi al-akhlaq وغير ذلك. ومن الشواهد العظيمة قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني أعلمك كلمات عظيمة، كلمات تنفعك نفعا كبيرا. ثم علمه الكلمات المعروفة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، احفظ الله احفظك، إلى آخر هذا الحديث المشهور المعروف. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس مسائل في التوحيد، مسائل في توحيد العبادة، ولم يمنعه من تعليمه أن يقول أن هذا طفل صغير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان عمر ابن عباس يعني قريب من 12 سنة، ومع ذلك علمه النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعلومات الكبيرة العظيمة. نعم. Non. Puis lorsque nous regardons dans les textes venus dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons qu'il donnait une attention particulière à l'éducation des enfants. Ce qui leur est profitable, que ce soit dans l'aqidah, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les œuvres pieuses, que ce soit dans les bons comportements. Et parmi ceux-là, ce hadith grandiose où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit « Ô mon enfant », dans le sens de ses paroles, « Ô mon enfant, je vais t'enseigner des paroles ». Parmi ces paroles donc, que vous connaissez, « Préserve Allah, il te préservera », dans le sens de ses paroles jusqu'à la fin du hadith. Et Shir de nous dire que ce qui est voulu ici, c'est que, regardez, le fait que Ibn Abbas était jeune, à ce moment-là, était un petit enfant, car en effet, Ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut, il avait seulement 12 ans. Eh bien, nous voyons que malgré cela, ceci n'a pas empêché notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner dans ce hadith des sujets qui ont attrait à la croyance, qui ont attrait à l'unicité dans l'adoration. أيضاً نجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يوماً على مائدة الطعام ومعه طفل صغير ابن زوجته وهو عمر بن أبي سلمة، وكان عمر لا يحسن آداب الطعام، كان يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام في صحن واحد في وعاء واحد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأدب العظيم. وهكذا أيضا ينبغي نحن أن نعلم أبناءنا ما ينفعهم سواء في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق والمعاملات، ونقرن تعليمنا لهم بأن هذا هو ديننا، بأن الله أمر بهذا، بأن الرسول أمر بهذا، حتى ينشأ على أنه يؤدي هذه العبادات طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد نصح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نصح أنه حينما نوجه الابن إلى عبادة أو عمل صالح أن نقول له أن الرسول أمر بكذا، الرسول يقول كذا، الرسول نهى عن كذا، حتى ينشأ ويتعلم من صغره أنه يؤدي هذه العبادة طاعة لله ورسوله، يترك هذا العمل السيء أيضا طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. De même, nous voyons qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis autour d'un repas. Il y avait avec lui le fils de l'une de ses femmes, Amr ibn Abi Salama, qui ne savait pas correctement comment manger, selon les bienséances qui sont connues. Et il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, « Ô mon enfant, prononce le nom d'Allah, mange de ta main droite et mange de ce qu'il y a devant toi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigna donc ce comportement grandiose, cette bienséance de l'islam. Comme ceci, il nous convient à nous aussi d'enseigner à nos enfants les bons comportements, de même que la croyance correcte, de même que les bonnes œuvres, et de leur enseigner, lorsque nous leur enseignons cela, que c'est Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam qui ont ordonné ceci, afin que ces derniers grandissent sur le fait que ces comportements et ces bienséances font partie de notre religion, et que ceci est un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'ils grandissent dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme cela, le shir nous rappelle, havidahullah, que shir ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala disait qu'il est important d'enseigner aux enfants, lorsque tu leur apprends quelque chose, de leur enseigner que ceci est une chose qui a été légiférée par Allah et son prophète, afin que ces derniers grandissent en sachant que ces choses-là font partie de leur religion et qu'ils grandissent en faisant ces choses-là par obéissance pour Allah et son prophète, et non pour obéissance, par obéissance d'une autre personne, mais en obéissant à Allah et son prophète et que ces choses font partie de notre religion. بتربية أبنائهم على العقيدة الصحيحة. ومن ذلك مثلا قول إبراهيم التيمي رحمه الله، كانوا يستحبون أن يلقنوا الطفل قول لا إله إلا الله حين يعقل، يعني حين يبدأ يحسن نطق ويتكلم، كانوا يستحبون أن يلقنونه قول لا إله إلا الله حتى يكون هذا من أول ما يتكلم به. أيضا يقول مالك بن أنس، كان يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، وكانوا أيضا يربون أبنائهم على محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة أصحابه ومعرفة أخبارهم وسيرهم، حتى يتأسوا بهم وحتى يقتدوا بهم. يقول علي بن الحسين، كنا نعلم مغازي رسول الله كما نعلم السورة من القرآن. فهذا يعطينا نموذج عن تربية السلف لأبنائهم وحرصهم عليهم من طفولتهم وصغرهم ونعومة أظفارهم كما يقال. نعم. Et lorsque nous observons comment étaient nos pieux prédécesseurs dans l'éducation de leurs enfants, nous voyons qu'ils faisaient très attention à les éduquer selon la croyance saine, selon la bonne croyance. Nous voyons par exemple Ibrahim At-Taymi, rahimahullah, qui disait qu'ils avaient, ceux qui les ont précédés, donc As-Salaf, radhiyallahu anhum, qu'ils avaient l'habitude ou qu'ils aimaient enseigner à l'enfant ou leur faire réciter la ilaha illallah à partir du moment où ils comprennent, où ils comprennent les paroles. Ceci afin que la première chose, lorsqu'il commencera à parler, la première chose par laquelle il va parler, la première chose qu'il va prononcer sera la ilaha illallah. De même, nous voyons que Malik ibn Anas, rahimahullah, disait que ils enseignaient à leurs enfants l'amour de Abu Bakr et de Omar, radiallahu anhuma, comme ils leur enseignaient une sourate du Coran. Et comme cela, nous voyons qu'ils leur enseignaient, ils étaient avides aussi d'enseigner à leurs enfants l'amour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, il a rapporté certains parmi les salafs qu'ils disaient, ils enseignaient à leurs enfants les batailles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme ils leur enseignaient une sourate du Coran. Et ceci, ce que Cheikh nous a rappelé ici, hafidhahullah, nous donne un exemple de la manière qu'ils avaient, nos pieux prédécesseurs, d'éduquer leurs enfants depuis leur plus jeune âge. والمقصود أن تعليم الأبناء والبنات العلوم الشرعية النافعة وعلى رأسها العقيدة هذا أمر واجب شرعي وهو أيضا سبب عظيم لرفعة الدرجات والنجاة من النار يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يقول علي بن أبي طالب في تفسير هذه الآية يعني أدبوهم وعلموهم أدبوهم أحسن الأدب وعلموهم دينهم بهذا تقون أنفسكم وتقون ذرياتكم من عذاب النار وإذا وقي العبد من عذاب النار كان من أهل الجنة إن شاء الله نعم. Ce qui est voulu ici, c'est qu'il nous faut enseigner à nos enfants, les garçons comme les filles, la religion, en commençant par la croyance, et que ceci est une obligation religieuse, et que ceci est aussi une cause d'être sauvé du feu de l'enfer. Comme cela, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens de ses paroles, « Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles du feu. Préservez-vous, vous, ainsi que vos familles du feu. » Et Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, dans le tafsir, dans l'exégèse de ce verset, dit « Préservez-vous ainsi que vos familles du feu. » C'est-à-dire enseignez-les et élevez-les, ou enseignez-les et éduquez-les. Enseignez-les et éduquez-les. Et par ceci, eh bien, tu seras préservé, tu auras préserver ta famille du feu de l'enfer. Et le shir termine en nous disant que celui qui est préservé du feu de l'enfer fait partie, bien sûr, des gens du paradis. ومما يدل أيضا على أن حسن تربية الذرية من أسباب النجاة من النار ما جاء على النبي عليه الصلاة والسلام أنه من كان عنده اثنتين من البنات فربهن وأدبهن وعلمهن كون له حجاب من النار فهذا تنبيه عظيم للآباء للأمهات أن يعنوا بأبنائهم وبناتهم فهم أمانة في أعناقهم لأن الطفل الصغير من رحمة الله جعله الله عز وجل طيعا سهل القياد فينشأ على ما ربي عليه ونشي عليه فيقبل التربية ويقبل التعليم يقبل التقويم بخلاف الشخص الكريم فإنه يصعب توجيهه ويصعب تعديله فعلى الآباء على الأمهات على أولياء الأمور من أخ كبير أو أخت كبيرة أن يتقوا الله في من ولاه الله عز وجل أمرهم وهذه نصيحة لنفسي ولكم والمسلم الذي يعيش في مجتمعات كافرة أو في مجتمعات تكثر فيها الفتن المسؤولية عليهم عظيمة جدا فإن استطاع أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهذا واجب عليه مع توفر الشروط الأخرى وإذا لم يتيسر فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يحذر الأب، تحذر الأم أن يكون سببا في انحلال ابنه أو انحلال ابنته أو حتى ردتهم عن الدين لا قدر الله. ومن كان في مجتمع المسلم فهذه نعمة كبيرة ولله الحمد، وعليه أن يكمل النقص بحسن التربية والتعليم والتوجيه وبذل الجهد في ذلك، فإن هذه من الأمور الواجبة. أما لأحمد رحمه الله دخل عليه رجل ومعه صبي صغير فقال ما هذا لك؟ قال هذا ابني. فقال ألزمه السوق وجنبه أقرانه. كان الأب عنده سوق، عنده محل، فوجه لأحمد هذا الرجل أن يدرب ولده على السوق وهو عمل نافع، البيع والشراء. ثم قال له وجنبه أقرانه، لا تخلي وقتك كله مع من هو مثله في السن، لأن هذا قد يؤثر عليه في سلوكه، لا سيما إذا كان هؤلاء الأقران على أخلاق غير جيدة. ليس المقصود أنه يمنع الطفل من اللعب مع من هم من في سنه، لا، فهذا غير مقصود، لكن المقصود أنه لا يذهب وقته كله مع من هو في سنه في لعب وله، ولا يبقى هناك وقت للتعليم والتوجيه واستغلال الوقت فيما ينفع. أنا أعلم أني كثرت عليك يا شيخ عبد الصمد، لكن أنا قصدي أني سأختم كلمتي واستودعكم الله وأنت تكمل الترجمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا، الله يحفظكم، شكر الله لكم يا شيخنا وجزاكم الرحمن خيرا وجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتكم يوم القيامة. وأكرر شكري الجزيل لكم يا شيخ على قبول هذه الدعوة، والله كم سعيد الله صوتكم، والله جزاكم الرحمن خيرا. أنا شاكر لك وشاكر لجميع الأخوة والأخوات اللي حضروا هذه الكلمة أو يستمعون لها. بارك الله فيكم جميعا، الله يحفظكم يا شيخ، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم. وعليكم السلام، الله يحفظكم يا شيخ، الله يرضى عنكم، الله يرضى عنكم. نعم، أنا أكمل مع فوت يسير. طبعا يعني فاتني شيء يسير إن شاء الله، لعلنا نجبر النقص إن شاء الله في مستقبل قريب إن شاء الله، لكن يعني في الغالب يعني دونت كل ما قال الشيخ إن شاء الله عز وجل، فأكمل إن شاء الله، الله يحفظكم. الشيخ نجي حفظه الله تعالى. Donc je termine avec en ayant loupé quelques-unes des paroles de Cheikh. Donc comme Cheikh vient de sortir de Al-Muhadara, car donc il a terminé Al-Muhadara. Samihni, naam. Allah ybarak fik. Je termine donc avec une petite partie que j'ai loupée. Inch'Allah, on essaiera de terminer cette partie un peu plus tard, puisque Cheikh a terminé en donnant plusieurs conseils et est sorti de Al-Muhadara. Donc... Cheikh nous dit, Abdallah Ta'ala, parmi les preuves qui nous montrent que le fait de bien éduquer ses enfants fait partie des causes d'être sauvé du feu, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles selon plusieurs ahadiths, où il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a deux filles et qu'il les a éduquées de la meilleure des manières, celles-ci seront pour lui un hijab, donc ici une préservation du feu de l'enfer, une chose qui sera pour lui quelque chose qui le préservera du feu de l'enfer. Et Cheikh de nous dire, Habibullah, que ceci, ici il nous, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous met en avant que celui qui fait attention à ses enfants, ceci sera pour lui une cause d'être préservé, d'être sauvé du feu de l'enfer. Et sans aucun doute, les enfants sont pour nous un dépôt. Les enfants sont pour nous un dépôt qui se trouve à notre cou. Il nous faut donc prendre une attention particulière pour les éduquer. Sans aucun doute, ces derniers sont plus faciles à éduquer que celui qui sera plus avancé en âge, qui celui-ci aura du mal à accepter les conseils et les recommandations. à l'inverse des enfants qui, eux, sont faciles à éduquer, qui acceptent l'éducation bien plus facilement. Et il nous faut, à nous tous, craindre Allah tabaraka wa ta'ala en eux, car ils sont un dépôt pour nous. Et Cheikh de nous dire, ceci est un conseil que je me donne à moi, ainsi qu'à vous-même. Ceux qui vivent dans les pays d'Occident, dans les pays non musulmans, ceux-là, eh bien, s'ils peuvent faire la hijra, s'ils peuvent émigrer dans les pays d'islam, si les conditions sont réunies, eh bien qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent, ça leur permettra de préserver leurs enfants. Et celui qui ne peut pas, eh bien qu'il craigne Allah comme il le peut. Et celui qui, lui, vit déjà dans les pays musulmans, dans les terres d'islam, ceci est une grande ni'ma, ceci est un grand bienfait. Et à ce moment-là, il se devra de compléter son éducation, l'éducation de ses enfants, de parachever, de parfaire l'éducation de ses enfants. Et il rapporta à Cheikh, Hafidahullah, un athar de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, où il dit à une personne, par rapport à l'un de ses enfants, prends ton enfant avec toi au souk, c'est-à-dire au marché ou à l'endroit où il y a la vente et l'achat qui se trouve, donc dans le marché. Prends-le avec toi et écarte-le des autres enfants de son âge, de ses camarades. Écarte-le, c'est-à-dire ne le laisse pas toujours avec eux. Comme l'a expliqué par la suite Shir, Hafidahullah ta'ala, ce qui est voulu ici par l'imam Ahmed, c'est qu'il conseille à cette personne d'enseigner à son enfant, les règles du commerce, savoir comment se comporter dans le commerce et de s'écarter de ses camarades. Et bien sûr, ce qui est voulu ici, comme nous le dit le Cheikh, ce n'est pas de l'empêcher de jouer, ceci n'est pas voulu ici. Mais plutôt, ce qui est voulu ici, c'est de l'empêcher de passer tout son temps à jouer avec ses camarades. Et plutôt, de l'occuper, cet enfant, par ce qui lui sera profitable pour son avenir. Et je m'excuse encore une fois donc pour les paroles qui ont été que je n'ai pas pu enregistrer et traduire. Wa illa huna wa billahi tawfiq wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa nashkuru al-shaykh fadilat al-shaykh Ali bin Yahya al-Haddadi ala ma taqaddama bihi alayna wa nashkuru akhana Ashraf Bayyumi hafidahullah ta'ala ala ma yaqumu bihi huwa wa ikhwanu fi markaz al-manba' as-safi nas'alullah ta'ala an yanfa' bihim al-jami' wa yanfa'ana bima sami' وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا شيخ عبد الصمد شكر الله لكم وكتب الله أجركم في الدنيا والآخرة الله يحفظكم الله يبارك فيك يا شيخ عبد الصمد جزاك الله خير أحسن الله عليكم